Assemblage Ruki et C'est Fou 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Ruki, l'hypothèse mythologie de Martin Bertrand, analyse le Purel et il y aura une chronique technologique, c'est Yannick. Assemblage Ruki, ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'émission Assemblage Ruki, votre émission du retour quotidienne avec Mathieu Plante. Salut Matt. Oui, particulièrement en pièces détachées aujourd'hui. En pièces très très très détachées aujourd'hui. Salut Kiwan. Salut, ça va bien? Ben oui, belle fin de semaine. Oui. Apparemment que moi, ma fin de semaine m'a un petit peu assommé, je sais pas ce qui m'arrive. Mais bon. Ben oui, t'es tout bouleversé là. Je suis tout jubilant. T'es allé voir Vanessa Parieter en fin de semaine. Pas en tout. Non, t'as pas été. Non, je suis pas allé. J'aurais dû y aller, mais non, je suis pas allé. Je me sens encore pas très en forme, finalement. T'sais. Bon. Sérieux, c'est de même. Je convalesce comme pendant des semaines. Moi, je suis de même. Moi, tant qu'à faire de quoi, aussi bien le faire pendant longtemps et largement. C'est ça. Je m'applique sur ma convalescence. Bon. Dans l'émission d'aujourd'hui, c'est une petite émission du lundi, très tranquille. On va commencer ça vraiment mollo, cette belle petite semaine-là qui s'annonce là, comment dire, tu sais? Comment tu l'appellerais, toi, cette semaine-là? Semainesque. Je pense qu'officiellement, techniquement, là, mettons qu'on voudrait faire des références météo ridicules, on pourrait dire qu'on est dans l'été des Indiens. Ah, haumba, haumba, haumba. J'ai jamais compris pourquoi les Indiens n'avaient pas leur été en même temps que tout le monde, mais bon, apparemment, c'est ça qui se passe. Depuis longtemps, c'est rare que c'est aussi bien défini, là, l'été ouais. des Indiens. Mais, je pense qu'on leur a volé leur été et puis on leur doit maintenant. Ouais, c'est ça, je sais pas, ils sont bizarres, là. Qu'est-ce que tu veux? C'est de même, l'été des Indiens. Fait qu'on va en profiter pendant qu'on en a encore un petit peu de chaud à l'air. Hein? Fait froid par moment. Mais bon, à part la météo... Ben, allons au trafic avec Linda! Ouais, c'est ça. À bord de l'hélicoptère de C'est Fou. C'est ça, avec la petite tête de C'est Fou sur le côté, toujours la femme. Donc, on va avoir la météo, le trafic, des recettes avec Ricardo plus tard. On va aussi avoir Martin Bertrand qui va nous analyser le Purel dans sa petite mythologie hebdomadaire. Mm-hmm. On va avoir évidemment une chronique technologique CNX. Pourquoi pas? Oui, ça, c'est dans une vingtaine de minutes, mais tout de suite, on va aller en musique, tiens. Oui, parce qu'on va assez parler de niaiserie, là. Ouais, on va aller écouter les trois accords avec leur pièce dans le palmarès francophone par les temps qui courent. C'est le bureau du médecin. On écoute ça tout de suite à Assemblage Ruki. C'est ça, le bureau du médecin, tu dis? D'accord. Parce qu'il y a plus le pastel sur le palmarès maintenant, mais... Ah, ok, non. Non? Je suis pas à jour. On dirait que je suis pas à jour. Je sais pas, c'est comme si t'étais plus au palmarès C'est Fou depuis quelques semaines. On dirait que c'est comme si j'avais pas été depuis très, très, très longtemps. Ah, faudrait changer de place, c'est le palmarès. Donc c'est plus le pastel, les trois accords. Qu'est-ce que c'est les heures à les écouter? Hein? Bon. Vous êtes à Assemblage Ruki. Au 89.1 FM. We'll be right back.

Pete Yorn et Scott Johansson avec Relator, ce sont le palmarès anglophone cette semaine, c'est ici assez fou. Ouais, juste avant ça, on avait entendu Silver Starling avec la pièce Ghosts. Hey, petite tranche de vie, j'allais chez Susie Shearer, magasin de vêtements de filles en fait, ça semaine. Pour et puis, refaire ta garde-robe. Eh bien, évidemment, hein, moi, les bacs là, confortable. Donc, j'entends cette pièce-là, moi, de Pete Yorn et Scott Johansson, jouer dans le radio. T'as d'habitude, ils jouent de la musique vraiment super commerciale, genre, je sais-tu, moi, Jay-Z, Rihanna et autres. Carrie Underwood. Je vois pas souvent chez Susie Shearer. Et puis, je suis tombé sur cette pièce-là. Je suis très, très content d'entendre ça dans ma petite playlist de magasin. Je sais pas si c'est une employée qui a ajouté ça par mégarde. Peut-être trompé de CD, quelque chose de genre. C'est très le fun. C'est une belle tranche de vie. Je sais pas justement au juste si c'est leur playlist locale à eux dans leur magasin ou si ça marche avec le. Est-ce que c'est aux Rivières, ça? Ou... Ouais, au Carrefour, mais c'est sûrement le réseau de Susie Shearer. Ouais, c'est ça. Ils ont peut-être justement un genre de web radio là, pour tout leur réseau. Parce que je sais qu'il y a certains commerces, des fois comme ça, où on se douterait pas qu'ils pourraient passer de l'aussi bonne musique. Et puis il y a des choses assez surprenantes, des fois. Souvent, tu sais, c'est des chaînes qui ont leur maison mère à Montréal, donc ils sont peut-être un petit peu plus à l'avant-garde là-bas, ou je sais pas trop. Mais ouais, c'est assez surprenant. Des fois, je pense entre autres à une certaine chaîne de dépanneurs qu'on croirait pas qu'ils peuvent parfois avoir de l'aussi bonne musique dans leur... Parce que les gens se couchent relativement tardivement, c'est ça? D'accord. Genre, mettons. D'accord. Donc voilà pour les plugs. Les plugs sont faits. Le commerce. Hey, moi, je continuerai peut-être avec une plug. Tu connais Antoine Corriveau? Oui. Qui vient ici de Trois-Rivières, mais qui reste à Montréal maintenant. La pièce L'Épave qui était sur le palmarès de C'est fou que vous connaissez peut-être. Oui, bon, on en a passé quand même pas mal aussi des pièces d'Antoine Corriveau. Il y a quelques EP qui a déjà son actif. Il est en spectacle ce soir, mais c'est du côté de Montréal. C'est au Vert Bouteille ce soir à Montréal. Mais vous pouvez aller faire un tour sur son site web qui est vraiment un très, très, très beau site. Et vous allez voir, il y a une espèce de concept qui s'appelle Kilomètre. C'est un site qui est relié à son site à lui, à sa page officielle, qui, dans le fond, qui suit Antoine Corriveau sur la route quand il fait des spectacles. Il fait des petites descriptions, il y a des photos et je sais pas, là, je vois pas de section vidéo, mais vous pouvez suivre, bref, Antoine Corriveau. Mais son site est vraiment très, très beau, de très, très belles photos. C'est un gars qui fait de la BD, hein, Antoine Corriveau. Et ouais. Puis, ça paraît là, dans son... Il a fait, si je me rappelle bien, la maquette du site du Festivoil. Pas l'année la plus récente, mais l'autre avant. Oui, il travaillait pour le Festivoil, effectivement. Très joli. Puis, en même temps, il y a des nouvelles pièces aussi, si vous voulez entendre du nouveau Antoine Corriveau. Il y a des pièces live, entre autres, justement, dans cette section-là, Kilomètre, sur le antoinecorriveau.com. On va en entendre une pièce tantôt. Peut-être pas une nouvelle pièce, mais en tout cas, on va entendre du Antoine Corriveau dans pas très longtemps. Mais pour l'instant, on va aller écouter Flat avec la pièce Technicolor à assemblage requis. Sur les ondes de C'est fou. Je prends

sous la verse. Pourquoi parler quand la nuit chante tendre nuage, ombre fuyante? Pourquoi parler quand la nuit chante? Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Qu'est-ce que je fais ici? Faudrait t'apprendre à danser. Assemblage Ruki et CFOU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Noisemaker de Two Hours Traffic, ça vient de leur CD Territories dans le palmarès anglophone de C'est fou, ça, vous êtes à l'assemblage requis. Oui, on va enchaîner tout de suite avec une autre pièce qui fait partie du palmarès anglophone. C'est Tegan and Sarah avec la pièce Hell à Assemblage Requis. No, I'm Vanesse et Millions d'atomes. Ça, c'est Vanesse Parietta. Moi, je les appelle Vanesse parce qu'on est tight. Là. Certains les appellent aussi Vanessa Pariétaire. Pariétaire, oui. Mais non, on parle bien de Vanesse Pariétaire. Vanessa Pariétaire, qui était en spectacle à Sorel. Ben oui, tu voulais y aller, finalement, t'as pas pu y aller, mais ça a l'air que c'était tout un spectacle. Les billets étaient tous vendus, c'était complet, là, ouais. Avant même la fin de la journée, samedi. Faut dire que c'est un spectacle de We Are Wolves, Parler et Vanesse Pariétaire. Donc, les billets. Dans le patelin local de Vanesse Pariétaire, ils viennent de ce coin-là, donc. Donc, c'était évident que ça allait être rempli. Le pub au Callaghan avait exceptionnellement fait imprimer des billets. D'habitude, il n'y en a jamais. On paye à l'entrée. C'est premier arrivé, premier servi. Donc, il y avait tellement de demandes, il avait décidé de faire imprimer des billets. Puis, ça s'est tout vendu. Ça a été sold out et ça a été apparemment tout qu'un spectacle. Ah, que je suis triste d'avoir raté ça. J'étais sûr que tu y avais été. Donc, je pensais avoir tes commentaires aujourd'hui, mais non. Si j'ai bien compris, il me semble qu'ils font pas beaucoup de spectacles d'ici à 2010. Hein. Je pense que le prochain, c'est en 2010. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il n'y en a plus là, avant les fêtes. Ouais. Mais, c'est bientôt, là, 2010. Là, soit pas si triste, Mathieu. Ben là, vraiment. Dans deux mois. OK. Tu le dis. Hey, Kiwan, c'est l'heure de jouer à ton jeu préféré, au jeu préféré de ta mère. De ma mère? C'est Devine le Soap! Hein? Oui, parce qu'on fait toujours ça depuis le début de l'émission, depuis les débuts d'Assemblage Requis. C'est une tradition. On vous offre toujours, gracieusement, le résumé de la semaine des émissions. Ben, généralement, c'est surtout les Feux de l'amour. Oui. Qui commence dans les mêmes coins que nous vers les 15 ans. C'est ça, mais là, aujourd'hui, on est un petit peu en retard. Il est rendu 16h. Donc là, à 16h, c'est le top modèle qui commence. Donc, on va faire un petit quiz. Tu vas devoir deviner quel soap est lequel. Et tu vas devoir en même temps te mettre dans ma tête parce que là, tu sais, il y a deux soaps, deux résumés. Est-ce que je vais faire l'évidence même et faire le deuxième en premier ou est-ce que je vais faire le premier en premier? Là, tu dois comme. C'est comme mêlant tout ça, là. Non, moi, je vois pas de stratégie, là. Moi, je me fie seulement aux informations. Donc, tu vas me lire les textes, je vais reconnaître les personnages et les intrigues surtout. Okay. Puis je vais te dire, moi, c'est lequel. Quel résumé appartient à quelle émission? Okay. Soap numéro 1. Trisha affirme à Matt qu'elle va prendre sa revanche sur le clan Newman. Ah, facile, je sais déjà. Phyllis accepte finalement d'épouser Jack. Malcolm demande à Alex de le rejoindre, car il lui réserve toute une surprise. OK, ça, c'est le premier soap. Lis quand même l'autre. OK. Deuxième soap. Pour Ashley. Hein? Ashley, quand même. Il y en a des Ashley dans chaque émission. Ouais, c'est ça, là. Je commence à douter un peu. Pour Ashley, il n'est pas question qu'elle se fasse damer le pion par Brooke. Donna demande à Eric ce qu'il compte faire au retour de Stéphanie. Ridge. Oh, attention, là, ça, c'est la carte Joker Ridge. Shit. Tente de faire comprendre à Brooke que tout est fini entre eux. Écoute, après que tu aies fini de lire le premier, j'étais certain que le premier, c'est les Feux de l'amour. Mais là, j'ai vraiment un doute, là. Il y a tellement de noms qui reviennent dans les deux. Puis, tu sais, là, honnêtement, pour ce qui est de l'intrigue, là, c'est vraiment n'importe quoi. Là. On peut vraiment pas se fier à ça. Mais bon, j'essaie de retracer les prénoms, là, puis je vais continuer avec ma première idée. Je pense que le premier résumé que tu as lu, c'était Les Feux de l'amour. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, bravo, Kiwan. Oui, c'était Les Feux de l'amour en premier, et puis le top modèle en deuxième. Donc, je pense que ça fait de moi le roi incontesté. Still the king. Du soap américain assez fou. Kiwan, always still the king. Bravo, je te félicite. On pourra peut-être un jour faire un jeu questionnaire plus élaboré. Ah, ben oui. Pour faire ça dans tes temps libres, là, trouver plein de questions, puis me les poser. Puis... Mais il faut toujours que les questions, faut que les réponses des questions se retrouvent dans les résumés. Hein, parce que moi, j'écoute pas les émissions, je fais juste les résumés. Donc, ma connaissance se limite à ça. Là. Je dirais que c'est souvent bien assez. Hein? Ouais. Vraiment, là, t'en as assez avec le résumé, Kiwan. C'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. Il y en a un deuxième qui s'en vient dans quelques minutes à peine avec, entre autres, les petites mythologies de Martin Bertrand. Oui, qui parle cette semaine du Purel. Oui, on se lave les mains d'informations, toi, pertinentes. Il va y avoir aussi plein de bonne musique. Restez là. C'est vous dans ton char. 89.1.1. Assemblage Requis et C'est fou 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du pauvre. Bon retour, c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées. Il s'appelle Kiwan. Et lui, c'est Mathieu. Et que c'est donc le fun de savoir nos noms comme ça, hein? Incroyable. Vraiment, c'est de l'information béton, tout ça. Plus tard dans l'émission, un autre nom à retenir, celui de Martin Bertrand, qui va nous présenter sa petite mythologie sur le purel. On va aussi avoir quelques petits moments là, savoureux et délicieux là, juste entre toi et moi. Oh! Ouh. Tu viens de me l'apprendre. Ben, qu'est-ce? Des petites surprises que je t'ai faites de même, là. Hein? On va parler. Bon, c'est bien, ça. Bon, je pense qu'on devrait commencer en musique, par contre. On va aller écouter la Bataille Rose avec la pièce dans le palmarès francophone. C'est Jesse Cock. C'est l'assemblage requis. On le dit en même temps. Oh, c'est beau! Jusqu'à 17h. Mais tu es noir. Father Step, c'est la pièce Miraculous de leur album The Hidden Names à assemblage requis. Oui, juste avant ça, on avait entendu Patrick et les Brutes avec la pièce Chez Candy, c'est extrait de son nouvel album. Nouvel album du groupe Patrick et les Brutes. L'album va être lancé cette semaine, c'est le 19 novembre à la SAT à Montréal. Et t'as-tu déjà vu des photos, Mathieu, de Patrick, du dit Patrick de Patrick et les Brutes? J'ai vu l'album avec quand même quelques photos assez osées. Oui, ben, il y a beaucoup de photos dans ce genre-là. Va faire un tour sur leur MySpace. Puis justement, juste la pochette aussi, là. Des photos assez ambiguës, en fait, de Patrick, là. Ben, c'est un être ambigu en tant que tel. C'est un, c'est un comment dire, un androgène. Ouais, c'est ça. C'est son genre. Mm-hmm. Bon, ça doit être quelque chose à voir sur scène, sérieusement. Là. Ça doit. Ouais. Divertissant, quand même. Divertissant, oui. Vraiment, hein. Tu peux pas avoir autre chose que le mot divertissant. Hein. C'est clair. Bon. Ce que vous entendez derrière nous, c'est la formation qui m'aurait cru, qui va être en spectacle samedi prochain. En fait, pas samedi prochain du tout, samedi dans quelques semaines encore. Le 5 décembre à 21h à la microbrasserie, à l'affût de Notre-Dame à Saint-Tite. Sur la rue Notre-Dame à Saint-Tite, exactement. C'est ça, on a des billets à offrir aux auditeurs. Une paire de billets. Si vous aimez le style, comment on décrirait ça au juste? Ils disent trad-cajun. Trad-cajun. Moi, je pense pour les fans de Caillouche, peut-être. Absolument. Ça a l'air drôle comme référence, mais je pense que oui. Là. Il y en a des jeunes. C'est approprié. Absolument. Il était au Festival Western en 2007 et 2008. Donc, peut-être que vous les avez vus là. Peut-être que c'est de là que le nom vous est resté, qui m'a recru. Ils vont présenter leur nouvel album à ce spectacle-là du samedi 5 décembre 21h. Les billets sont en vente présentement à la microbrasserie, mais nous, on vous en donne deux. On vous en donne deux. Donc, si ça vous tente d'aller voir qui m'a recru, vous nous appelez tout de suite au 376-5183. Et on va écouter leur extrait La faute à mon grand-père. De qui m'a recru à assemblage requis. Pour vous faire une leçon, essayez de comprendre la couleur et la chaleur de ma langue. Je vous ai fait une leçon, j'espère que vous avez compris la couleur et la chaleur de ma langue gaspésienne. Une clémentine, tant que ça. Ça me semble que c'est gros. Que tu connais vraiment pas Caillouche. Non, absolument t'as pas. Aucune image dans ta tête là, de la face de Caillouche. Pas en... Bon, ben tu manques de quoi? Je vais aller me googler ça dans ta face, toi. Avec son grand classique, l'alcool au volant, c'est criminel. C'est quelque chose. C'est vraiment. On vient d'entendre la formation qui m'a recru avec la faute à mon grand-père. Allez voir myspace.com/ qui m'a recru et soyez à leur spectacle. C'est samedi 5 décembre à 21h à l'affût. Bon, soyez-y. C'est à Saint-Tite. Mm-hmm. Ouais. Vous êtes Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées jusqu'à 17h, toujours avec Kiwan et Mathieu. Et maintenant, ben, c'est le moment que vous attendez le lundi. Hein? C'est récurrent, c'est à tous les lundis ça, Kiwan, ça veut dire ça? À tous les lundis, Martin Bertrand nous explique, comme ça, nous parle d'un phénomène urbain ou social, ou peu importe que c'est. De la culture populaire. La culture populaire, c'est ça. Et puis aujourd'hui, il nous parle du Purel. Tout de suite. Et voici maintenant une capsule de la série Petite Mythologie, présentée par Martin Bertrand sur les ondes de C'est fou. Le Purel. On en retrouve pratiquement dans chaque sacoche, et ce, depuis que Pfizer a acquis les droits sur le produit en 2004. Le Purel remplace dans l'imaginaire le traditionnel gris-gris, ou talisman contre le mauvais œil, ou pour se prévenir contre la maladie, nous apportant du coup un sentiment de sécurité apte à réconforter même les plus paranoïaques. Son format compact fait qu'on peut le garder toujours près de soi afin de se prémunir contre l'adversaire microbien. Sa popularité subite montre bien jusqu'à quel point on peut s'y accrocher. Sans doute est-il aussi efficace sur les billions de bactéries que la traditionnelle eau bénite sur le malin. La publicité dit d'ailleurs qu'il peut tuer 99,99% des germes qui causent des maladies en aussi peu que 15 secondes. Nouveau symbole d'un monde qui veut vivre de manière aseptisée, le Purel rappelle que chacun se met en mode offensif-défensif. La peur du germe remplace la peur du mal dans les chaumières et tout doit être fait afin que la maladie n'entre pas chez soi. Si nos grands-mères accrochaient le crucifix et les images saintes dans chaque pièce de la maison et traînaient avec elles en permanence une bouteille d'eau bénite, la bonne maman actuelle se doit de garder partout chez elle une bonbonne de Lysol et s'accrocher sur chacun des enfants une bouteille de Purel, même contre toute logique. Les produits antibactériens, s'ils ont véritablement leur place dans les hôpitaux, là où ils sont requis, servent mal l'intérêt de ceux qui les utilisent hors de ce contexte, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que sur le corps se crée naturellement un équilibre bactérien et qu'en éliminant les bactéries nocives, on élimine aussi les bonnes, laissant de la place pour les mauvaises. Deuxièmement, parce que dans un processus purement darwinien d'évolution des espèces, les rares bactéries qui ne sont pas éliminées par le produit en question transmettent leur résistance à leur progéniture. Elles engendrent ainsi des générations de superbactéries, ultimement parce que l'on s'aperçoit que de plus en plus, l'obsession pour l'aseptisation pourrait être une cause non négligeable de l'augmentation des cas d'allergies, d'asthme et d'autres maladies chroniques. Le système immunitaire, si on ne le sollicite pas, s'atrophie et les défenses naturelles s'affaissent. Alors pourquoi, malgré tout cela, les gens se tournent-ils tant vers le Purel? Sans pouvoir répondre en totalité à cette interrogation, mentionnons que déjà en 1981, Gilles Lipovetsky avait qualifié notre époque de l'ère du vide. Le citoyen vit désormais en vase clos et, avec l'avènement des nouvelles technologies qui le divertissent dans son cocon, il n'a désormais plus à sortir de chez lui, ou si peu. À l'abri tout seul, les contacts avec l'extérieur effraient et l'autre est désormais un porteur de germes qu'on pourrait rapporter chez soi dans notre cocon qu'on a mis tant de temps à aseptiser. Le Purel devient donc un incontournable des contacts sociaux quand il s'avère nécessaire. Vous venez d'entendre une capsule de la série Petite Mythologie, présentée par Martin Bertrand sur les ondes de C'est fou. Merci beaucoup, Martin Bertrand. On le retrouve, comme toujours, les lundis, ici à Assemblage Requis, avec un sujet de la culture populaire analysé en fond et de fond en large, fond en comble, de l'horizontale à l'horizontale à la verticale. Je dis deux fois horizontale, hein? Parce qu'il fait deux fois l'horizontale, mais après ça, il fait la verticale. C'est comme quand tu peintures, il faut vraiment que tu y aies en M et en W. Hein? Martin Bertrand, donc allez voir cifou.ca pour télécharger les balado-diffusions de ces chroniques superbes mythologies. Tu nous reviendras un peu plus tard dans l'émission avec la fin de ta chronique décoration. Ben, je regardais, tu te rappelles notre belle petite discussion sur Canal Famille et les idées de ma maison l'autre jour. Oui, hein? Oui. Ouais. On parlait du fait qu'il y avait des vieilles émissions genre Dodo Déco et tout ça. Oui, oui. Ben, finalement, il n'y a plus ça. Ils ont enlevé ça. Ouais, à la suite de tes commentaires. Ben, bien sûr, hein, je vais prendre le crédit. Oui, ils ont enlevé Dodo Déco, ils ont enlevé Fleurs et Jardins avec Louise Deschâtelet. Là. Shit, ouais. Pesant. Ben, je sais bien. Ils ont rajouté des émissions là, c'est plus récentes apparemment. Là, fait que, okay. C'est vraiment... Je m'excuse d'avoir dit que Dodo Déco jouait, mais reste que ça joue pendant quelques mois, puis je trouve que c'est absurde un peu de jouer une émission de décoration du début des années 90. Non, mais peut-être qu'il y a peut-être des nostalgiques là, qui voulaient refaire leur sous-sol à façon Dodo 1988. Ouais, c'est ça. Peut-être. Peut-être. Ouais. Peut-être. C'est une anthologie. Ben vraiment. C'est de la mode, ça se démode pas. C'est de la mode, ça se démode pas. Ça se démode pas. Ça revient tout le temps. Ça. Peut-être que dans 20 ans, ça va être vraiment pertinent d'avoir Dodo Déco à la télé. Ben oui, peut-être. Bon. Peut-être que ça va être très à la mode d'être petit puis de faire des émissions de décoration. Key one. Peut-être. Oui. On sait pas. T'es déplacé à mort. Voyons. Bon, donc, Pleasure Bridge, Key One. Tu l'as écouté au complet. On a déjà écouté du Pleasure Bridge à C'est fou et à Assemblage Requis une fois. Oui, on avait découvert ça presque accidentellement la semaine dernière. On n'avait pas trop écouté l'album. On a passé une pièce. Finalement, c'était vraiment très bon. Ça, c'était enfergé et paf, dans du Pleasure Bridge. C'est ça. Puis ça a donné ça. Je l'ai écouté comme il faut en fin de semaine, l'album. C'est vraiment un très bon album. Au début, j'étais pas trop sûr parce que c'est un groupe canadien, c'est un groupe de Toronto en fait, puis ils ont vraiment des influences assez bien assises dans le Canada anglais, des influences un peu folk rock et puis rock assez conventionnel. Souvent, il y a quelques pièces, surtout vers le début, quelques pièces où on retrouve vraiment là, des bonnes influences de folk là, avec un petit fond de guitare acoustique. Puis du Canadiana. Ouais, vraiment très très rock canadien, mais pas si moderne, tu sais. Sauf qu'en même temps, la facture totale, là, si on fait la moyenne du son de l'album, est quand même assez moderne, même si c'est ses influences un peu old school. Il n'y a pas de vache qui meugle derrière. Non, vraiment pas. Puis il y a quand même un petit côté électro, un petit côté très moderne dans l'album. Puis un petit côté pop aussi. Ça, au début, il y a quelques pièces qui vont vraiment dans le rock un peu traditionnel, mais entre autres avec la cinquième pièce qui s'appelle In Your Arms Again, qui est vraiment très, très pop. Ça fait comme un bond là, au milieu de l'album où justement il y a un petit ralentissement avec la quatrième pièce, What You've Got. Un petit ralentissement où là, on tombe vraiment là, dans le canadien anglo total. Peut-être qu'il aurait dû commencer par les pièces plus pop sur le début du CD. Il y en a une au début aussi, celle qu'on va entendre, 9 to 5, est assez pop aussi. C'est un bon mélange de pop-rock. Tu vas voir, c'est vraiment très bon. Mais c'est ça, la pièce In Your Arms Again, là, peut-être un jour je vais la faire passer, c'est la cinquième pièce. C'est vraiment drôle. Là. En même temps, les paroles, disons, des textes de Pleasure Bridge, c'est vraiment très léger. Pas très très profond, c'est souvent là, des petites phrases, des courtes phrases qui reviennent en boucle là, de, c'est pas très très développé là, côté parole. Puis justement In Your Arms Again et puis 9 to 5, c'est très très simple, mais la 5 là, je te jure un jour on va l'écouter, c'est imagine Venga Boys qui rencontre Pony Hop. Oh mais là attends, parce que là j'ai envie d'écouter un extrait de Rella là par exemple. OK, on va écouter In Your Arms Again d'abord, tu vois, c'est très rose bonbon là. OK, même pas un extrait, tu veux qu'on va jouer au compte. Okay. Tu veux un petit extrait? OK, écoute, on va jouer un petit extrait tout de suite. Pour être drôle. Pas drôle, haha, mais ça commence avec les racines canadiennes-anglaises. Eh, wow, quand même, hein? C'est très drôle. Soudainement, c'est wow! Oh! OK. C'est bien. La voix de la chanteuse, là, un peu blasée comme ça, ça me fait vraiment penser à celle de Pony Up. Ouais. Wow! Tout le monde danse, là, soudainement. J'aime ça, c'est très bien. Très bien. On pourrait quasiment la laisser aller, rendu là. C'est très léger, c'est très rose bonbon, mais ça tape pas sur le cœur, je trouve. Pas trop sucré. Pas trop. Mais cette pièce-là est pas si représentative du reste de l'album non plus. Là. Celle-là, elle est comme trop un peu. Là. Elle est drôle. Moi, je trouve qu'elle en est drôle tellement. Okay. Ouais. Mais on va écouter la pièce 9 to 5. Tu vois, celle-là est un peu plus représentative. Donc, c'est pas un très grand album, cet album-là de Pleasure Bridge, mais je trouve que ça vaut quand même la peine, surtout au prix auquel le groupe vous l'offre. En fait, il vous le donne, il est en téléchargement gratuitement. Vous allez sur leur MySpace, là, puis juste en bas de la pochette d'album, il y a un petit lien tout petit comme ça. Vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir télécharger gratuitement l'album. Donc à ce prix-là, ça vaut vraiment la peine. Gardez-vous, c'est 7 pièces, ça passe super rapidement, ça s'écoute en boucle. C'est un bon petit plaisir. Ça, on va écouter la pièce 95. Oh, t'as fait un jeu de mots avec le nom de groupe, Key1. Terrible, hein? C'était fait plaisir. T'aurais aimé ça, y penser, hein? J'aurais vraiment aimé. En fait, j'essayais de le plugger depuis tantôt. J'étais damé le pion. Donc, on écoute 9 to 5 de Pleasure Bridge. Damé le pion. Best. Kiwan et Mathieu, assemblage requis. Polype et Presse Citron. Hey, bon, on va faire un tour à Trois-Rivières bientôt, hein, Polype, pour lancer leur nouvel album. Cool. Tu es comme dans une tournée qu'ils vont faire un peu partout là, pour faire des lancements d'albums. Ça va être à l'Embuscade le 2 décembre ici. Donc, j'imagine, je sais pas si. Parce que je sais qu'ils font beaucoup de spectacles avec Navet Confi, mais c'est pas indiqué là, si Navet Confi les accompagne pour ce spectacle-là. Mais bref, en tout cas, le 2 décembre, ici à Trois-Rivières, c'est bientôt. La dernière fois qu'ils sont venus à Trois-Rivières, à l'Embuscade, il y avait environ 3 personnes, donc ce serait le fun qu'il y ait un petit peu plus de gens qui soient là cette fois-ci. Ils sortent un nouvel album en plus, qui est vraiment très bon. Ils ont fait pas mal de chemin aussi depuis ce temps-là, un petit peu plus de visibilité. De reconnaissance, de visibilité. Fait que je pense qu'ils devraient avoir... au moins 4 ou 5 personnes. J'espère. Je leur souhaite plus. Là, je pense moi aussi. J'aimerais ça qu'on remplisse l'Embuscade pour. J'essaie de voir c'est quoi le 2 décembre. C'est un quel jour tu veux savoir ça? Ouais, c'est ça. J'essaie de voir mon calendrier. 2 décembre, c'est mercredi. Mercredi, ouais. Hi, c'est Dieu. Mercredi. Mercredi. Ouais, mercredi. Comment ça, mercredi? C'est un drôle de journée, mais je pense que je vais essayer de m'arranger pour aller faire un tour. Ouais. Pas aller pas trop Trois-Rivières, ça arrive pas souvent. Non, faut y aller. On va se forcer un peu, on va se forcer. Mercredi. En tout cas. Donc, vous êtes à Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées. L'émission qui dit que des spectacles, ça se fait soit la fin de semaine, soit jeudi soir, peut-être. Là. Bon, on regarde l'autre qui veut pas sortir un mercredi. Non! Inacceptable. Mercredi, c'est 10-12. Le calendrier culturel est rempli à tous les jours de la semaine. Il y a quelque chose à peu près. Donc, en même temps, la fin de semaine, tu sais, Trois-Rivières, c'est quand même une ville où il y a beaucoup d'étudiants. Ouais. Où la fin de semaine, ils sont beaucoup chez eux dans d'autres villes. Donc, je trouve que la semaine, c'est pas pire comme soirée, mais le mercredi, c'est vraiment plus qu'ici à Trois-Rivières, comme le phénomène 10-12 le mercredi, là, qui draine beaucoup de jeunes. De gin! C'est vrai que le mercredi... Bon, il était temps qu'il soit de mon avis. C'est pas une bonne soirée. C'est merdique comme soirée. Ben non, quand même pas. Ah, les autres sont pas si pires non plus. En tout cas, hey, assez parlé des jours de la semaine, hein? Il y en a 7, on va pas en parler de chacun, de tout un chacun. Hein? De tout un chacun. C'est une belle expression, ça, tout un chacun. Hein? Ben oui. C'est un peu comme, tu sais, deux choses l'une. Ça veut rien dire. Tout le monde dit ça, deux choses l'une, mais c'est pas une belle phrase. T'sais. Non. Deux choses l'une, non. Mais commence juste à dire ton affaire, puis ça va faire, tu sais. Je vous en dire que c'est deux. En tout cas. Donc, assemblage requis, ça c'est la deux choses l'une, assemblage requis. Deux choses deuxième, c'est l'émission du retour en pièces détachées. Troisième jusqu'à 17h, qui est Mathieu, c'est la quatrième affaire. On va aller faire un petit bloc de nouveautés des palmarès, là. Parce que vous savez quoi, il y a Tommy T qui vient d'entrer. Tommy T qui est dans les gogoles bordello. Ah oui, ok. Il fait du reggae un peu sur cet album de Prester John Sessions. Mais tantôt, on parlait de l'image des plombiers, on parlait des Barcelonois qui ont décidé que l'image du plombier était celui du porn star. Vraiment. Je trouve que la musique de Tommy T peut parfois s'appliquer peut-être au film porno. Tu penses à... Tu crois vraiment, Kiwan? Film porno des années 70, là, avec des favoris. Des gros favoris. Des gros pinches. Des beaux cheveux en vague. Des favoris à des endroits où il ne doit pas en avoir. Est-ce qu'on appelle ça quand même des favoris quand c'est rendu si box, ça? Je sais pas. Aucune idée. Mais je sais que c'est sexy. C'est toute une ambiance, en tout cas, comme musique. Là. Ben vraiment, c'est un mélange entre ascenseur et porn. Vraiment? Peut-être un porn dans un ascenseur, ça peut être... Ding dong! Oh, vous avez commandé une pizza. Oh oui, et serre-moi la chaud. Je sais pas. J'essaie vraiment d'inventer des phrases de porno, mais je connais pas ça. Mais non, vraiment pas. Vraiment pas. T'as l'air d'un gars qui connaît pas ça. Semble. Mais c'est pas cette pièce-là de toute façon qui est dans le palmarès, donc c'est pas elle qu'on va aller écouter, parce que dans le bloc nouveauté palmarès, on fait jouer les pièces qui figurent. Donc celle qu'on va écouter, c'est The Call de Tommy T à Assemblage Requis. Dring, dring, avez-vous commandé une pizza? We'll be right back. Moi, j'aime ça. Je trouvais que l'intro porn encore était meilleur que ça tantôt, par exemple. Je la reprendrais, mais ça, c'est très bon aussi. Moins porn. Ça manque de porn un peu, en fait. Ben, vraiment, c'est manquant. T'en as besoin. T'as vraiment. T'as besoin de ta dose de porn. Tommy T avec The Call de l'album de Prester John Sessions. C'est tout nouveau dans le palmarès anglophone, c'est fou. Oui, on va aussi entendre dans quelques minutes une autre pièce qui a fait son apparition vendredi dernier dans les palmarès. Donc, une nouveauté, c'est Vapors du groupe Highlands. Mais juste avant ça, tu veux nous faire un petit rappel, un petit survol des prestations musicales. Des talk shows américains. Parce que je trouve qu'il y en a des bonnes cette semaine. Il y a entre autres le Cyndi Lauper, Wyclef Jean, à soir. Cyndi Lauper en duo avec Wyclef Jean, c'est quelque chose. Mm-hmm. Donc ça, c'est à David Letterman ce soir. Plus tard cette semaine, ils vont aussi recevoir John Mayer jeudi et Lyle Lovett vendredi. À Conan O'Brien, au Tonight Show, ils reçoivent, entre autres, The Brian Setzer Orchestra, que j'aime beaucoup, mercredi. Ça va être très bon. Leona Lewis, que j'aime aussi, ça c'est jeudi. Et puis vendredi, leur grosse vedette, c'est Bon Jovi. Fait que bon, c'est un genre. Jimmy Kimmel, ce soir, Chicken Foot. Mm-hmm. Et puis Dead Cab for Cutie vendredi. Ah, ça vaut la peine d'être vu. Craig Ferguson, il y a Ben Harper et Will Antis 7 ce soir. Et puis à Jimmy Fallon, il va y avoir un Nico Case demain. Pas pire ça, Nico Case. Et Elvis Costello vendredi. Mm-hmm. Voilà, ça, c'est mon petit tour des talk shows les plus connus. Voilà. On va continuer avec les nouveautés musicales du palmarès. On va entendre, comme tu disais, Islands. Voici Vapor. Assemblage Ruki et CFOU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. La formation a History Of avec Munition Ships de l'album Action in the North Atlantic. Ça aussi, c'est une nouvelle entrée dans le palmarès cette semaine. Même chose que Islands avec Vapors qui était juste avant. C'est la fin. Oui, l'émission est terminée pour aujourd'hui. Déjà, une autre journée qui se termine, mais la journée pour vous n'est pas terminée parce qu'il y a des émissions qui suivent. Juste après nous, il va y avoir Donne-moi le goût à 17h. Ensuite, à 18h, c'est Chérie m'écoute dessus. À 19h, on se retrouve avec Frédéric Durand. Et puis après ça, à 20h, il y a Simon Fitzbé qui a des albums classiques et Kraut Rock. Et puis C'est au poil vient compléter le combo Enfred Alexa. C'est le lundi soir ici à C'est fou. On se retrouve demain à 15h pour une autre édition d'Assemblage requis avec entre autres Simon Fitzbé qui va être présent. Oui, qui va nous faire, comme à tous les mardis, sa chronique sur les mythes du rock'n'roll. Et on va avoir Émilie Gauthier qui va nous parler de plein air aussi. Tant qu'à être assez fou, ben soyez là demain matin à 7h pour la pilule du lendemain et à 11h pour le dîner de con. Allez voir assemblagerequis.com pour les notes de l'émission d'aujourd'hui et pour la balado-diffusion. Et on vous souhaite une bonne soirée. On se laisse en musique avec une pièce du palmarès franco. Mimi Van Der Glo et la pièce « Demain, je travaille ». Bye bye. Bonne soirée. Assemblage requis et C'est fou 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Beau.